sème le vent, récolte la tempête et se reprend son mistral en pleine tête dans la grande valse du temps. Chaque instant est une quête, effet miroir incessant. Les faux pas se reflètent, allez, regarde un peu tout ce que tu sèmes à travers les petits trous de tes poches usées. Et regarde surtout tout ce que tu aimes à travers les petits trous qui surplombent ton nez. Le feu s'étouffe dans les cendres, brûle ses yeux dans les choses qu'il voulait répandre. Les flammes ne sont pas un jeu, elles ne savent pas attendre, détruisant moins de deux tout ce qu'on voulait prendre. Allez, regarde un peu tout ce que tu sèmes à travers les petits trous de tes poches usées. Et regarde surtout tout ce que tu aimes à travers les petits trous qui surplombent ton nez. Sème la vie, récolte l'amour, et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit chaque jour dans le soleil de midi, dans la lune de toujours, que celui qui le lit le chante tout autour. Allez, regarde un peu tout ce que tu sèmes à travers les petits trous de tes poches usées. Et regarde surtout tout ce que tu aimes à travers les petits trous qui surplombent ton nez. Allez, regarde un peu.